صلواتي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الإسلام، لازل الحديث مع إمام الموحدين عليه الصلاة والسلام. أن الله عز وجل سيكونتينيو ا ديسكوتي دو الإمام دي مونوتيسكي إبراهيم عليه الصلاة والسلام. رأينا البارحة أن من أطاع الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يضيعه الله سبحانه وتعالى، وهو القائل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فإن الله عز وجل نزفون في إياه celui qui obéit à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala ne laisse pas tomber. Il dit dans le verset: celui qui préserve les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala lui ouvre des portes de là où il ne s'attend pas, il lui donne sa subsistance de là où il ne s'attend pas. أما الجهال كما قلنا فيقولون أن الطاعة أنكم إذا سرتم في طريق الطاعة فستفتقرون وسا Quand les ignorants ils disent que si vous obéissez à Allah et que vous prenez la sunna et le chemin de la sunna, vous allez vous appauvrir, vous n'allez pas trouver de travail, vous allez, ça n'en finit pas. لماذا؟ لأن الشيطان يوحي إلى أوليائه، والشيطان يعد الفقر، والله سبحانه وتعالى يعد المغفرة والفضل العظيم. Pourquoi tout ça? Parce que le Satan insuffle à l'être humain la pauvreté, que s'il obéit à Allah, il va devenir pauvre. S'il suit la sunna de Mohammed, il va devenir pauvre. Qu'il ne va pas trouver de travail, que ceci, que cela. Donc le Satan promet la pauvreté. Quant à Allah, subhanahu wa ta'ala, il promet le grand pardon et les grands bienfaits. Et qui est la promesse qui est avenante et véridique? Pour celui qui est doué de raison, il doit prendre la promesse d'Allah et non pas la promesse du shaitan. Fayul wa'dayn sadiq asdaq wa'd Allah wa'd ash-shaytan. Fa asdaq al-wa'd wa'd Allah subhanahu wa ta'ala. Falladhi akramahu Allah subhanahu wa ta'ala bil-'aql yuti'u Allah subhanahu wa ta'ala wa yattabi' awamir Allah wa yattabi' sunnah al-Mustafa alayhi as-salatu was-salam. الشيطان لا وعد له، ولذلك يضيع أولياءه في الدنيا وفي الآخرة. الشيطان لا يمكن بخمس il tient pas sa promesse. Les alliés de Satan sont perdants dans ce monde et dans le delà. الشيطان عندما يلقي بالإنسان إلى المعصية يتركه وحيدا. الشيطان quand il jette la personne dans la désobéissance il le laisse tout seul. Il le laisse dans les remords et dans le regret tout seul. Fa wa'd Allah subhanahu wa ta'ala lil mu'minin wa'dun sadiq wa la yakhlifu Allah al-wa'd abadan. Walakin idha takhallafa 'anna wa'd Allah fa hadha dalil 'ala anna lam nuwaffi ash-shart wa lam na'ti bish-shart alladhi nastahiqqu bihi an nahdha bi wa'd Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans ces cas-là, la promesse d'Allah, subhanahu wa ta'ala, elle est avenante, elle est véridique et elle est là. Si nous n'avons pas cette promesse, ça veut dire que nous avons été négligents et nous n'avons pas ramené la condition par laquelle on mérite que la promesse d'Allah, subhanahu wa ta'ala, s'accomplisse pour nous. Le problème, il est en nous. La promesse d'Allah, subhanahu wa ta'ala, elle est présente. Mais le grand problème, c'est en nous. C'est nous qui ne ramenons pas les conditions pour avoir la promesse d'Allah. Al-Mushkilu Fina. إذا لم يأتي وعد الله فالمشكل فينا ليس في الوعد، نحن الذين تخلفنا عن الشرط، لم نأتي بالشرط فلم يأتي فتخلف الوعد. هذا يدل على أننا لسنا أهلا للوعد. لو كنا أهلا للوعد فالوعد لمن وفى كإبراهيم عليه الصلاة والسلام، وإبراهيم الذي وفى وقال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين، فعهد الله للمطيعين، فعهد الله للمحسنين، فعهد الله للصالحين، وعهد الله لن يناله الظالمون. إبراهيم وفى فكان له عهد الله سبحانه وتعالى، والذي لا يوفي لا يكون له العهد من عند الله سبحانه وتعالى. فوعد الله للمحسن، للطائع، للذي يقوم بما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه. أن الله عز وجل كنت لا بروميز الله سبحانه وتعالى ça complique pas pour nous, c'est que le problème il est en nous, c'est nous qui nous n'avons pas ramené les conditions pour avoir, pour être comblé avec la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est non, parce que la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est pour ceux qui ont accompli ce que veut dire Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Ibrahim alayhi salatu salam, il est dit dans le verset à Ibrahim, a accompli. Et quand il a accompli, il a dit, ya Allah, fais que ma descendance aussi soit Allah subhanahu wa ta'ala, soit dans le bien, soit des imams, soit etc. Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit, mon pacte, les injustes ne l'auront pas. Ça veut dire que le pacte d'Allah subhanahu wa ta'ala et la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est pour les bienfaisants, pour les vertueux, pour ceux qui obéissent à Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'est pas pour les injustes. Il n'est pas pour ceux qui ne se soumettent pas à Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'obéissent pas à son message alayhi salam. Impossible. فإبراهيم وآل إبراهيم أسرة مباركة، أسرة موحدة، أسرة مطيعة. فعلى كل أب ووالد أن يجعل قدوته وأسوته إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وعلى كل ابن صالح أن يجعل قدوته وأسوته إسماعيل وإسحاق عليهما الصلاة والسلام، وعلى كل زوجة وكل امرأة أن تجعل قدوتها سارة وهاجر صلوات ربي وسلامه على الجميع. فهؤلاء هم آل إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. وأنت في كل صلاتك تقول اللهم صل على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، فهؤلاء آل إبراهيم. فهذه أسرة مباركة، أسرة موحدة، أسرة على الملة الحنيفية، أسرة إبراهيم أمر الله سبحانه وتعالى نبينا أن يتبعه، والأمر للأمة كذلك. إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى فاميلي إبراهيم عليه الصلاة والسلام ستين من فامي بنت من الله سبحانه وتعالى. Il est de devoir, il appartient à tout père de prendre comme modèle إبراهيم عليه الصلاة والسلام. Et il appartient à tout enfant de prendre comme modèle l'enfant vertueux Ismaïl alayhi salatu salam et Ishaq alayhi salatu salam. Et toute femme doit prendre comme modèle ces femmes vertueuses qui sont Sarah et Hajar. Ceux-là, ce sont la famille d'Ibrahim alayhi salatu salam qui sont bénis min Allah subhanahu wa ta'ala. Et toi, il t'est obligatoire dans chaque prière que tu dises dans ta prière quand tu es dans ta shahoud, Allahumma salli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kama sallaita ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ça, c'est la noble famille. La famille des monothéistes. La famille qui ont mis en application ce que veut Allah subhanahu wa ta'ala d'eux. Fahajar qalat, عندما أراد إبراهيم أن يتركها عند واد غير ذي زرع قالت الله أمرك بهذا، الله أمرك بهذا. فتدبر أيها الأخ، تدبري أنت أيها الأخت، يا أمة الله تدبري، هاجر ماذا قالت؟ الله أمرك بهذا. فعلى نسائنا أن يتدبر عن ماذا سألت هاجر؟ ما قالت لي خليتي الصير ناقص، ما خليتي والو، ولكن لمن غادي شكون اللي قال لك تخلينا هنا؟ واش الله هو اللي قال لك تخلينا هنا؟ ها؟ هذه أسرة التوحيد، هذه تربية التوحيد، هذه تربية من استسلم لله سبحانه وتعالى وانقاد لأوامره. لم تقل له أين وكيف ولماذا تتركنا في هذا المكان، فقط عليه الصلاة والسلام تحققت من أمر واحد، يا إبراهيم أتفعل هذا من عند نفسك؟ أناقشك فيه، إن كنت تفعله تدينا فليس لي معك كلام، إذا كنت تفعله فقط أنت الذي تفعله أناقشك فيه، وإذا كنت تفعله طاعة لله وتدينا وتعبدا فلا كلام لي معك، أسلم أمري لله سبحانه وتعالى. هاجر cette noble femme que nos femmes doivent prendre comme modèle. Quand Ibrahim alayhissalam allait la laisser dans ce désert, dans ce fleuve désertique où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'oiseaux, il n'y a pas de végétation, il faut que nous méditions sa situation. Et nos femmes doivent méditer la situation de Hajar. Hajar, quand Ibrahim alayhissalam il est parti, il lui a pas posé des questions. Tu ne laisses pas de subsistance. Tu n'as pas laissé d'argent, tu n'as pas laissé à qui tu vas le laisser ici, etc. Le seul souci de Hajar, c'est de savoir. Il lui a dit, est-ce que c'est Allah qui t'a ordonné de nous laisser ici? Comme s'il lui disait, c'est tu le fais, par ordre d'Allah, je n'ai rien à dire. Mais si toi qui le fais de toi-même, je vais discuter avec toi. Son seul souci, Hajar, c'était pas le matériel. C'était pas de savoir il a de la nourriture ou il n'a pas de la nourriture. Est-ce que l'acte que tu vas faire, le fait de le laisser à côté de l'endroit où va être construit plus tard, le Kaaba, est-ce que ça tu le fais de toi-même? Ou là tu le fais par obéissance à Allah? Il voulait avoir une certitude. كما كانت هذه المرأة الصالحة كان ابنها كذلك ذرية بعضها من بعض، تربية التوحيد أخي الإسلام، تربية التوحيد. هؤلاء لم يتربوا على هكو لقينا والدينا، هكو لقينا جدودنا، خناهم تذبحوا القبر نذبحوا لهم. هؤلاء تربوا على طاعة الله وطاعة أوامر الله والامتثال لأوامر الله عز وجل. ما قال لا الزمن تبدل وإحنا في زمن آخر وإحنا نتتلو أوامر الله، كيفاش كي ندير أنا في الحياة وأنا في أوروبا أش غادي يقولوا عليا؟ كيفاش نخرج أنا بالحجاب ديالي وأنا في أوروبا أش غادي يقولوا عليا؟ لا، لأننا لم نتربى على مائدة التوحيد ولم نتشرب معرفة الله سبحانه وتعالى كما أراد الله وكما ينبغي لنا، لذا عندنا هذه الاعتراضات وعندنا الخوف، ماذا سيقول الناس، ماذا سيقول المجتمع، ماذا سيقول كذا، ماذا ستقول عنا الصحافة، كل شيء نعلل بأمور لا برهان لها ولا قيمة لها ولا وزن لها في دين الله سبحانه وتعالى. Cette femme vertueuse dans cette position, il a accepté une fois qu'il avait la certitude que Ibrahim a.s. a agi par ordre min Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi il était de son fils aussi, ce noble garçon, ce prophète a.s. Ça c'est une descendance. Ils descendent les uns des autres, liés les uns aux autres. Une descendance de monothéistes qui ont été éduqués par l'obéissance aveugle à Allah, et non pas notre obéissance à la voie sur laquelle étaient les parents, les grands-parents, etc. On respecte nos parents. Mais s'ils étaient dans l'ignorance et dans l'adoration des tombes, est-ce que c'est ça que Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous? Allah veut de nous qu'on lui réserve le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Si nos parents par ignorance et nos grands-parents par ignorance égorgeaient pour les tombes, nous devons faire de même. Ou là nous devons réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Cette femme, quand Ibrahim alayhi salam l'a laissée là, et qu'il savait qu'il avait la certitude, c'est un ordre, mais Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas ramené des oppositions de sa région. On est seul, les rapaces, il y a ça, le danger, etc. On n'a pas rien à manger. Comprends maintenant, regarde nos femmes maintenant. Hein? Mais le hijab, oui, je ne pourrais pas trouver de mari si je trouve tu mets le hijab. Je ne pourrais pas trouver de poste. Yahat Islam, pousse ta barbe. Qui va me faire travailler? Mais je suis en Europe. Hein? Ils vont dire que je suis sale. Hein? Et ainsi de suite, des oppositions. Que va dire l'Europe de nous? Yahat Islam, le fait de commercer avec l'usure et l'intérêt, c'est haram. Mais que va dire le monde venu? L'opinion internationale, qu'est-ce qu'il va dire de nous? Il va dire de nous qu'on est des réactionnaires. Des réactionnaires, ou là, des arriérés, ou là, vas-y. Regardez les oppositions que maintenant on oppose à la parole d'Allah et aux ordres d'Allah, subhanahu wa ta'ala. L'opinion publique, le qu'en dira-t-on, ce que va dire la presse, ce que va dire ceci et cela. Hein? Ça prouve une soumission réelle à Allah, subhanahu wa ta'ala, ou ça prouve le contraire? Ça prouve que nous avons peur d'Allah ou nous avons peur de quelqu'un d'autre avec Allah, subhanahu wa ta'ala. Fal, nata'ammal ahwalana. هل حالنا يستحق وعد الله؟ هل نحن عندما نبرز مواقفنا بالصحافة وماذا سيقول المجتمع وماذا وكذا والاقتصاد العالمي يقول كذا وكذا؟ هل في ذلك الوقت نحن نخاف من الله أو العكس؟ من نخاف؟ نخاف ماذا ستقول الصحافة؟ وتركنا أمر الله سبحانه وتعالى للصحافة. وتركنا أمر الله سبحانه وتعالى ماذا سيقول الناس. Ceci est une situation dangereuse. Regardez-la, méditez-la. Va croire que pourquoi on n'est pas en avant? Pourquoi on n'a pas la suprématie? Ya akhi wa ma asabakum fa bima kasabat aydikum. Tout ce qui nous arrive, c'est par notre faute. Faut regarder combien on néglige de la religion de Allah subhanahu wa ta'ala. Combien on néglige de la religion de Allah subhanahu wa ta'ala. Et on veut la suprématie, on veut la victoire. On n'aura pas de victoire. Tant qu'on si vous faites triompher la religion d'Allah, Allah il vous fera triompher. والله يقول إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم أي إن تنصروا دين الله وتنصروا سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى ينصركم من أين نريد النصر من أين وما أصابكم فبما كسبت أيديكم والله سبحانه وتعالى يعفو عن كثير فهذا الابن الصالح ماذا قال لوالديه يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله حاضرا افعل ما تؤمر اي امتثل لامر ربك انظر انت التربيه امتثل لامر هذه تربيه التوحيد si ton enfant vertueux a dit à son père oh père fais ce qui t'a été ordonné tu me trouveras patient endurant fais ce qui t'a été ordonné l'éducation du monothéisme فهؤلاء هم آل إبراهيم إنهم أهل الطاعة إنهم أهل الاستجابة لله إنهم أهل الإخبات لله سبحانه وتعالى إنهم أصحاب القلوب اللينة أصحاب القلوب المطمئنة هذا هو فاميل إبراهيم عليه السلام les gens de l'obéissance les gens du fait qui ont exaucé l'appel d'Allah Les gens qui reviennent vers Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, les gens qui ont des cœurs doux, qui est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. تصور أنت امرأة ومعها رضيع يتركان في صحراء جرداء تحيط بها جبال من كل مكان، لا أنيس ولا جليس ولا راعي إلا الله سبحانه وتعالى. وهذه المرأة تثق بوعد الله عز وجل، ما دام الله قد أمر بهذا فلا يمكن أن يضيعنا. الله عز وجل لا يضيع أولياءه، الله ولي الذين آمنوا كيف يضيعهم وهم أهل ولايته وهو الذي يتولاهم. فأنا الله عز وجل imaginez maintenant une femme avec un bébé, un nourrisson que l'homme laisse dans un désert entouré de montagnes où il n'y a personne, pas de compagnie, pas d'eau, pas de végétation. La femme est faible avec un petit nourrisson. Le seul protecteur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette femme a une grande confiance dans la promesse d'Allah, une grande certitude, une grande confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit à son mari, tant que Allah subhanahu wa ta'ala qui a ordonné ça, ben, il ne va pas nous négliger, il ne va pas nous laisser tomber. Allah subhanahu wa ta'ala ne néglige pas ses alliés. Il ne laisse pas tomber ses alliés. Allah, il est l'allié de ceux qui ont cru. Il ne les néglige pas. Hein? Il ne les laisse pas tomber. C'est lui qui est leur allié, qui les protège, qui les fait triompher. لذلك يحسن بكل امرأة أن تسأل زوجها هذا السؤال. إذا أمرها زوجها بالحجاب أو بأي شيء في دين الله عز وجل، من أمر بهذا؟ أنت أم الله؟ من أمر بهذا؟ أنت أم الله؟ فإن عرفت بأن الله هو الذي أمر بهذا، فلا يجوز لها أن تعارضه أبدا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله أمره وقضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. المؤمنون صفاتهم سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. وهكذا يجب أن يكون الرجال والنساء على حد سواء. فإن الله عز وجل il s'y a nos femmes, il y a toutes femmes soumises à Allah subhanahu wa ta'ala de poser à son mari la même question qu'a posé Hajar alayhi salatu wassalam. Quand Ibrahim lui a ordonné, si son mari lui ordonne le hijab, ou là, il lui ordonne quelque chose dans la religion de Allah. Cette femme, son souci doit être, sa question doit être, est-ce que c'est Allah qui t'a ordonné ceci ou là c'est toi? C'est toi qui me l'ordonne ou là c'est un ordre minallah azza wa jalla. Et il n'est pas permis à une femme que quand il entend que ça c'est un ordre minallah de s'opposer aux ordres d'Allah. Car il n'appartient pas, comme il est dit dans le verset, aux croyants et à la croyante. Hein? Quand Allah subhanahu wa ta'ala a décrété quelque chose et a ordonné quelque chose ainsi que ses messagers, qu'ils aient le choix. Il n'y a pas de choix devant les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, ni pour les hommes, ni pour les femmes. Les croyants, leur situation c'est quoi? Ils soumettent à Allah subhanahu wa ta'ala. Quand ils entendent quelque chose, ils disent, nous avons entendu, nous obéissons. Hada ce qui est demandé. C'est la plus grande des caractéristiques des croyants. فالمؤمن والمؤمنة همهم الأكبر يجب أن يكون من الذي أمر بهذا. فإذا كان الأمر أمر الله فقولهما سمعا وطاعة. إنما قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وأولئك هم المفلحون، سمعنا وطعنا، أولئك الذين لهم الفلاح في الدنيا وفي الآخرة. Le croyant et la croyante, frère en Allah, leur grand souci doit être quand ils reçoivent un ordre, de savoir qui a donné cet ordre. Si leur dit bien min Allah Azza wa Jal, leur réponse doit être, nous avons entendu, nous mettons en application, nous obéissons. Il est dit dans le verset 7, la parole des croyants, quand ils sont appelés vers Allah et son messager, ils n'ont qu'à dire, ils doivent dire, hein, nous avons entendu, nous obéissons, et ceux-là, ce sont les gagnants. Les gagnants dans ce bas monde et les gagnants dans le delà. Parce que pourquoi ils ont gagné? Parce que justement, ils ont obéi à Allah. Ils ont répondu à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala et à l'appel de son messager. Qalat haja, ba'da, an sami'at Ibrahim, idhab, fa'innahu lam yudayyana. Idhab, fa'innahu lam yudayyana. Haja, quand il a su, il a entendu la parole d'Ibrahim alayhi salatu salam. Il dit, vas-y, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne va pas le laisser tomber. Puisque c'est lui qui te l'a ordonné, vas-y. Hein? Allah, il ne va pas le laisser tomber. Wa kana ma kana min hajar fil bahti anil ma wa ja'aha al faraj min Allah ba'da l'imtihan wa ba'da al-sa'i wa lidhalika fal akhdu bil asbab من دين الله عز وجل ليس أن هاجر وثقت بوعد الله أنها جلست بجوار رضيعها تنتظر لكن فعلت ما استطاعت وسعت في البحث عن الماء وجاءها الفرج من الله سبحانه وتعالى هاجر كنت سمغي بارتي. Il n'est pas resté à côté de son nourrisson. Il a utilisé le moyen qu'il avait en ses capacités, en ses possibilités, les possibilités qu'il avait devant elle, pour chercher de l'eau pour elle et pour son nourrisson. Hein? Il a utilisé les moyens. Et le moyen qu'il avait, c'est de courir entre le mont Safa et le mont Marwa, et de faire des allers-retours pour essayer de voir s'il y a quelqu'un pour qu'il lui donne de l'eau. Ça, c'était ce qu'il pouvait faire. Et il l'a fait. Il n'a pas dit, hein, puisque Allah, c'est lui qui a ordonné que nous soyons là, donc la promesse d'Allah, subhanahu wa ta'ala, va tomber, il est resté à côté d'une ruisson. D'ailleurs, l'islam. Parce que le fait de mettre en application, de prendre les moyens, et de le mettre en application, ça fait partie de notre religion. Al-akhdu bil asbab, le bahth 'an ar-rizq, kada, kada, kulla al-umur, hada min dinina. والله عز وجل قد يجعل الفرج في أسباب لم تعملها يا عبد الله وقد يجعل الفرج في أسباب عملت بها المهم أن تعمل بالأسباب فقول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب لا يعني أن لا يعمل الإنسان أي سبب وأن الرزق سيأتيه إلى بيته لا يخلص فلا بد من الحركة ولا بد من الأخذ بالأسباب ولا بد من السعي كما فعلت أمنا هاجر لا بد لأن الأخذ بالأسباب من دين الله سبحانه وتعالى الله عز وجل il a fait que la délivrance peut venir du moyen que tu as utilisé et peut-être que des fois tu vas utiliser un moyen mais la délivrance va venir d'un autre côté. Mais en tous les cas, il faut mettre en application, il faut utiliser les moyens que tu as et qui sont licites, il faut que tu les utilises. Et peut-être ta délivrance va venir du moyen que tu as utilisé, peut-être pas. Il va venir d'un autre moyen. Et il est dit dans le verset, celui qui préserve les droits d'Allah, subhanahu wa ta'ala va lui ouvrir une issue, il va lui donner sa subsistance de là où il ne s'attend pas. Hein? Ça veut dire qu'il faut mettre en application les moyens que tu as. Tu ne peux pas, ce n'est pas parce que le verset dit hein, ceci que tu dois rester les mains, les bras croisés, attendre que la subsistance te vienne à la maison. La yakhadisla. Ce n'est pas comme ça. Il faut que tu bouges. Il faut que tu mettes en application les moyens, tu utilises des moyens pour arriver à ta subsistance, pour avoir des enfants, il faut que tu te maries, et ainsi de suite. Hein? Tu fais comme Hajar. Hajar, il savait que Allah ne va pas la laisser tomber, mais il a utilisé les moyens. Et il a fait des allers-retours entre le mont Safa et le mont Marwa pour chercher de l'eau pour son fils et pour elle-même. فإيمانها إيمان هاجر بوعد الله لم يمنعها من التحرك والسعي والصعود إلى أقرب ربوة وهي الصفا لتنظر هل من أحد معه الماء ثم نزلت وصعدت إلى الربوة الأخرى بعد أن سعت في الوادي بين الربوتين وصعدت إلى المروة وأخذت تنظر وتبحث عن الماء وهكذا سعت بين الصفا والمروة سبعة مرات من أجل أن تجد لنفسها ولرضيعها شيئا يعيشان به وبقيت سنتها بقي الأخذ سبب هذا السعي سنة في أمة محمد عليه الصلاة والسلام ها؟ فالحاج عندما يتحرك بين الصفا والمروة ماذا يتذكر؟ يتذكر هاجر التي تبحث للماء تبحث عن الماء لها ولربيعها فبقي ذكرها ذكر آل إبراهيم في الناس إلى يوم الدين donc et هاجر sa foi en la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa certitude sur Allah subhanahu wa ta'ala ne l'a pas empêché de ne pas bouger de ne pas utiliser les moyens qui sont dans sa capacité pour trouver de l'eau pour elle et pour son nourrisson. Il est allé sur le premier mont qui était à côté d'elle, qui est Safa. Après, il est descendu et à un moment donné, en courant dans la vallée, il est arrivé au mont Marwa. Et ainsi de suite, il l'a fait 7 fois pour chercher de l'eau. C'était le moyen qu'il avait. Et ces allers-retours 7 fois sont devenus une sunna dans la communauté de Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Tous les pèlerins qui font leur safa, leur sa'i entre Safa et le Marwa, se rappellent quoi? Hajar. Hajar. Hein? Et l'évocation de Hajar restera dans l'humanité jusqu'à la fin des temps. Et toi tu dis dans ta prière, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad, kama salli ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim. Wa Hajar min Ali Ibrahim. فذكرها إلى يوم القيامة وذكر إبراهيم وآل إبراهيم إلى يوم القيامة et donc l'évocation de Ibrahim et de la famille d'Ibrahim est avec nous jusqu'à la fin des temps كل هذا لماذا التوحيد الإخلاص لله الامتثال لأوامر الله tout ça il vient de quoi la soumission à Allah l'accomplissement du monothéisme de la sabir. فالتوحيد أمره أمر عظيم. Le monothéisme est quelque chose d'énorme. Il faut que nous le comprenions et que nous l'étudions pour le mettre en application dans notre vie. يجب أن نفهم حقيقة التوحيد وأن نعمل به في حياتنا لكي يكون عندنا لكي يكون لنا الذكر الحسن ولكي نحظى برضوان الله في الدنيا قبل الآخرة وفي الآخرة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر بعد العسر جاء الفرج من الله دون أن يكون سعي هاجر هو السبب في الفرج لم يكن سعي هاجر سببا مباشرا في وجود الماء نبع الماء من أين؟ من تحت رجل الرضيع هذا الرضيع الذي لا يستطيع إلا البكاء نبع الماء من تحت رجليه رزقها الله سبحانه وتعالى من مكان آخر ليس بالسبب هي عملت بالأسباب ولم يكن السبب الذي استعملته هاجر سببا في وجود الماء Et après, le moment difficile pour Hajar est venu la délivrance min Allah subhanahu wa ta'ala. Après ses allers-retours, et ces allers-retours qu'il a fait ne sont pas la cause directe pour de la délivrance et du fait que l'eau soit ajaillie. L'eau ajaillie d'un endroit où il n'attendait pas Hajar. L'eau a jailli du pied du nourrisson. Le nourrisson, qu'est-ce qu'il peut? Il peut rien, juste pleurer le pauvre. Et l'eau a jailli de ses pieds. Ce faible être humain, cette faible créature qui est un nourrisson, c'est de là où va jaillir l'eau, de ses pieds. فبعد أن تعبت هاجر وبذلت ولكن الإنسان عندما يحب حبا صحيحا فهمت ماشي حب قيس وليلى هذا حب العذاب ولكن حب صحيح مبني على الإيمان عندما يحب حبا صحيحا يكون تعبه سرورا ومن هنا إذا ذهب الإنسان إلى الحج والعمرة تعبه يسعده ويريحه ويطمئن ويشرح صدره لأن تعبه كان في طاعة الله وبحكم أن تعبه كان في طاعة الله ترتب على ذلك السعادة في الدنيا وإن شاء الله تكون له السعادة في الآخرة هذا أمر طاعة الله مهما كلفت فتأتيك بالراحة وتأتيك بالطمأنينة مهما تعبت فيها فاسأل أنت الحجاج 60 سنة 70 سنة وطرح وصل طواف القدوم السعي شرب الماء من زمزم استراح شيئا استعرضه وإذا قلت لك يفعل كل الحمد لله والرجل كبير في السن لأن تعب طاعة راحة هو في نفسه Après que Hajar a fait tant d'efforts à courir entre les monts, les deux monts, Safa et le Marwa, savoir une chose, quand l'être humain fait des efforts, quand il aime un amour authentique et non pas l'amour de Roméo et Juliette. L'amour de Roméo et Juliette, c'est une souffrance, c'est une perte de temps et c'est une perturbation de l'esprit. Mais l'amour authentique, l'amour qui émane d'une foi et d'une croyance, et d'un monothéiste, cet amour, malgré la fatigue qui va en découler, cette fatigue va être une réjouissance. Partant de là, quand le pèlerin arrive au pèlerinage, il fait sa omra ou son hajj, malgré les efforts qu'il accomplit, dans cette fatigue, il a la réjouissance, il a la quiétude, il a un certain bonheur, dans ce bas monde déjà. Et s'il fait les choses comme il se doit, il aura chez Allah, subhanahu wa ta'ala, incha'Allah, ce qu'aucun œil n'a vu. Les efforts qu'on fait dans l'obéissance à Allah, subhanahu wa ta'ala, ramènent la réjouissance, ramènent le bonheur et la quiétude intérieure. Pour ça, beaucoup de personnes sont fatiguées, sont arrivées à un certain âge. Ils arrivent au pèlerinage, ils arrivent, la première chose qu'ils font, une fois qu'ils vont à l'hôtel après, ils arrivent, ils vont faire tawaf al-qudum. Tu vois? C'est des efforts. Et après, il boit de l'eau de zemzem, il fait ses orqa'at, après il va à Safa al-Marwa, il fait ses... Et tu le vois, avec tous les efforts qu'il a fait, le voyage, etc., et tu lui poses la question, alhamdoulilah, je ne suis pas fatigué. Les efforts dans l'obéissance, c'est un repos, c'est une réjouissance, c'est une quiétude. فتعب الطاعة ليس كتعب المعصية. أهل المعاصي تعبهم شقاء. انظر وتأمل من ابتلي بشرب الخمر أو بتعاطي المخدرات فحاله يرتى لها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافي من ابتلي من أولاد المسلمين. فهو تعب ويزيد الإنسان تعبا وبلاء طارة يتقيأ على نفسه طارة يبول على نفسه وطارة يكاد يسلخ جلده من الحث من أثر هذه المخدرات وطارة يلقى جثة على الأرض وطارة يحملونه من مكان إلى مكان ولا يدري هو وطارة ينزع ثيابه ويبقى كما ولدته أمه يجري في الشوارع تعب يعقبه تعب وحتى إذا فاق من سكره ومن تخديره تجده في غاية التعب والمرض ويزداد غما وهما بعد غمه وضيقا على ضيق وحزنا على حزن، لأن تعبه أتاه من ماذا؟ من معصية الله. فلا بد أن يشقى ويزيد شقاء على شقاء وضيق على ضيق. La fatigue de l'obéissance n'est pas comme la fatigue dans la désobéissance. Médite avec moi la situation d'un soulard ou de quelqu'un comme ce que vous appelez le junkie, hein, dans la drogue. Hein. Leur situation est une situation triste. C'est une situation triste qui est à plaindre. On demande Allah subhanahu wa ta'ala qu'il délivre les éprouvés, les enfants des musulmans par la drogue et par l'alcool. Et ils prennent leur drogue, ils prennent leur boisson, et c'est une fatigue en soi. Et le fait de prendre la drogue et la boisson, ça augmente leur fatigue encore. Et tu les vois, les pauvres. Des fois, il gerbe sur lui-même. Des fois, hein, il fait dans son pantalon. Il tombe d'un côté à l'autre. Un mur le renvoie à l'autre mur. On le prenne de là, on le retrouve tombé de l'autre côté. Hein? On le prend. Des fois, il atteint un degré où il enlève ses vêtements, il reste comme... Hein, il est sorti du ventre de sa mère. Il court dans les rues. Fatigue qui sera suivie d'une autre fatigue et d'une grande tristesse après. Même quand il se réveille, de sa saoulerie, et quand il est éveillé de sa drogue, il est fatigué encore, il est opprimé intérieurement, il se sent très mal. Et des fois, il n'arrête pas, presque il va arracher sa peau par l'effet néfaste de ce qu'il s'injecte dans les veines. Il n'arrête pas, sa peau devient rouge, tu le vois, il gratte son visage, etc. Ça devient affront, à plaindre. Fatigue sur. Pourquoi? Parce que cette fatigue dans laquelle il est, c'est une fatigue de la désobéissance, donc il est obligé qu'il souffre. Avant et après. Il est obligé qu'il soit opprimé intérieur. Avant et après. Quant à la fatigue et aux efforts que tu mets dans l'obéissance à Allah, subhanahu wa ta'ala, ça ne te ramène que la quiétude et le repos et la réjouissance. Amma al-mu'minun fa kullama بدلوا في طاعة الله كل ما يبذلونه في طاعة الله ازدادوا سعادة ازدادوا فرحا بالله وشرحت صدورهم فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. Quant aux croyants, plus ils s'avancent dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, plus ils accomplissent d'actes d'adoration, plus leur bonheur augmente, leur réjouissance augmente. Plus ils ont la quiétude intérieure, ils sentent aucune oppression intérieure, ils ont la largesse dans leur esprit, dans leur poitrine, partout. Et il est dit dans le verset, celui que Allah subhanahu wa ta'ala veut guider, il ouvre sa poitrine à l'islam. فكلما بدل المؤمن في الطاعة كل ما يبدله يشرح الله صدره ويسر له أمره ويسعده في الدنيا قبل الآخرة. Tout ce que fera comme effort le croyant dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, il va rendre sa poitrine plus large. Il ne sera jamais opprimé intérieurement, ni oppressé intérieurement. Allah subhanahu wa ta'ala lui facilitera sa situation. Allah subhanahu wa ta'ala lui donnera le bonheur dans ce bas monde et dans le delà. وللمؤمن جنتان المؤمن له جنتان جنة في الآخرة وهي جنان عرضها كعرض السماوات والأرض وجنة في الدنيا وهي لذة الطاعة أنه يتلذذ بطاعة الله سبحانه وتعالى. فالمؤمن ينعم بلذة لو عرفها الملوك والرؤساء لحاربوه عليها لأنهم يبحثون عن السعادة ويبحثون عنها بالمال وبالجاه وبالسلطة ولم يجدوها، وهو وجدها سأل الله سبحانه وتعالى في في طاعة الله وامتثال أوامر الله واتباع المصطفى عليه الصلاة والسلام فهو يعيش في جنة. لو كما قال بعض السلف لو علم الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف. Et le croyant, il a deux paradis, frères en Allah, عز وجل. Un paradis dans le delà, quand il rencontrera Allah, subhanahu wa ta'ala, et un paradis dans ce bas monde. Le paradis dans ce bas monde, c'est qu'il prouve un goût à l'obéissance. Il a plaisir à accomplir les ordres d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc le croyant, il est comblé, hein, du plaisir de l'adoration, ici dans ce bas monde, avant d'être comblé d'énormes récompenses chez Allah, subhanahu wa ta'ala, dans les jardins, dans les largeurs, ce sont les cieux et la terre. Et le croyant, il est dans une réjouissance intérieure, c'est les rois, les présidents et les gouverneurs le savaient, ils vont lui faire la guerre. Parce qu'ils cherchent quoi? Avec leur pouvoir, avec la fortune, et avec les postes, ils cherchent quoi? Le bonheur. Mais ils ne l'ont pas trouvé. Et le croyant Allah, subhanahu wa ta'ala, lui a facilité ce chemin du bonheur, en étant soumis à Allah, subhanahu wa ta'ala, en accomplissant la sunna de Muhammad, alayhi salatu wa salam. يقول عليه الصلاة والسلام ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. نعم الإيمان له ذوق وله حلاوة، الطاعة لها لذة، وبرغم ما يبدله المؤمن فإنه كلما ازداد جهده في طاعة الله زادت لذته. لأن الله عز وجل تخوى كنت يبصون دون ذان سيربيتور الله سبحانه وتعالى يتخوف أن قو إكسكي à la foi. Certes, frère en Allah, la foi a un goût. L'obéissance a un goût. Malgré les efforts que fait le croyant, ces efforts ne font qu'augmenter le goût ici en lui et le plaisir dans l'intérieur. L'obéissance augmente le plaisir du croyant. فهاجر عليه السلام المرأة الضعيفة المسكينة الفقيرة إلى الله ورضيعها الذي لا يملك لنفسه شيئا إلا أن يبكي نبع الماء من تحت رجليه وللهفتها وهذه طبيعة الإنسان للهفتها وهذه طبيعة الإنسان الذي لا يكاد يصدق نفسه تكون به هذه اللهفة لكن إذا هو حكم دين الله وحكم به فإن مشاعره تنضبط وحركاته تسكن وتكون متزنة. فهاجر للهفتها بدأت تدير الأرض على الناس، ما كانت تصدق أن يخرج الماء في تلك الصحراء، وهذه طبيعة البشر، طبيعة البشر هكذا. هاجر cette femme faible avec son pauvre nourrisson qui ne peut rien pour lui que pleurer, l'eau a jailli des pieds de ce nourrisson et c'est la nature de l'être humain quand il y a quelque chose qui apparaît alors qu'il est dans le besoin, qu'il est dans une situation difficile, il veut que cette chose, il ne veut pas perdre cette chose. Hajar a eu ce même geste. Il a essayé d'entourer l'eau qui a jailli, il a essayé de l'entourer pour l'arrêter, pour qu'il ne tarisse pas. Mais ce désir intérieur chez l'être humain, s'il est conditionné par les lois d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ben il va trouver le chemin de l'équité. فهاجر التي رأت بعينيها آية من آيات الله. لأن هذا المكان الذي هي فيه كما وصفه الله تعالى فيه آيات بينات، فمن آية الله عز وجل في ذلكم المكان زمزم، آية من آية الله عز وجل، زمزم التي لا تنفد ولا تنقطع ماؤها ولا ينقص ماؤها ولا يغيب، يشرب منه الملايين تلو الملايين وكم له من القرون. وفي الجاهلية كان بئر زمزم قد دفن، غاب زمزم زمانا ثم حفره عبد المطلب جد نبينا عليه الصلاة والسلام. Donc, Hajar, quand il a vu ce signe minallah subhanahu wa ta'ala, ce grand signe minallah subhanahu wa ta'ala, car cet endroit qui est l'endroit de la Mecque, c'est un endroit dans lequel il y a beaucoup de signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a beaucoup de choses extraordinaires qui font prouver, qui prouvent la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il fait partie des signes de ce lieu, Zemzem, ce puits. Zemzem est un des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Son nom ne tarit pas. Depuis combien de siècles, des générations et générations et des millions d'humains ont bu de cette eau. Et cette eau ne tarit pas. Cette eau ne diminue pas. À un certain moment, Zemzem a disparu. Il a été enterré. Il va revoir le jour et ce sera le grand-père de notre prophète, alayhi salam, qui va le recroiser, qui va le retrouver. Fahaja, لما رأت الماء ينبع من تحت رجل ابنها خافت على الماء من الضياع فأخذت تحوط الماء بيديها وتحاول أن تزم الماء فأخذت تقول زم زم زم فسميت زمزم قبل ولهذا سميت زمزم بزم زم كانت تردد تقول الماء قع زم فسميت زمزم. Hajar, quand il a vu l'eau jaillir à côté des pieds de son nourrisson, il a eu peur que l'eau tarisse et disparaisse. Il a commencé à entourer l'eau avec de la terre comme ça, à faire un cercle pour contenir l'eau, et à répéter cette phrase, zem, zem, zem, c'est-à-dire reste là. Et c'est pour ça que Zemzem a été appelé Zemzem. قال نبينا عليه الصلاة والسلام رحم الله أم إسماعيل لو أنها تركت الماء لكانت عينا معينا ونهرا جاريا أي لم يكن هذا الماء بئرا ولتحول إلى نهر يجري على وجه الأرض. رحم الله أم إسماعيل لو أنها تركت زمزم لكان نهرا جاريا ولم يكن بئرا. نتقومت عليه الصلاة والسلام دي كالله سبحانه وتعالى كومبل دو دسانت ميزيونكور لمر دو إسماعيل عليه الصلاة والسلام. S'il avait laissé l'eau de Zemzem, l'eau jaillir, ben ça va être un fleuve, et ça ne va pas être un puits. Et ça aurait été un fleuve qui aurait coulé. Comme les fleuves que tu vois un peu partout. فهذا المكان فيه آيات بينات مقام إبراهيم ثم جاء الامتحان كما مر على الولد امتحنت أمه فصبرت ونجحت في الامتحان وجعل الله لها زمزم شاهدا على نجاحها وشاهدا على إيمانها. ثم جاء دور الولد الصالح الذي يجب أن يكون قدوة لكل ولد. بعد أن شب جاءه أبوه كما مر معنا يزوره وقال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحه فانظر ماذا ترى. قال الابن البار الابن الصالح الابن الذي تربى على التوحيد يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Cet endroit là où il y a Zemzem maintenant, il y a des signes, il y a aussi la place qu'on appelle la place d'Ibrahim alayhi salatu wassalam. Et après les épreuves qu'a reçues la mère de Ismaïl alayhi salatu wassalam, comme il est passé avec nous, est arrivé aussi les épreuves pour son fils Ismaïl, ce vertueux enfant, cet enfant qui doit être l'exemple de tout enfant. Tout enfant doit prendre le comportement à avoir avec ses parents de Ismaïl alayhi salam. Lui aussi il sera éprouvé à son tour. Son père viendra lui dire, j'ai vu dans le rêve qu'il faut que je t'égorge. Fais ce que tu veux. Tu me prouveras passion. Fais ce qu'il t'a été ordonné, je serai patient et endurant. Hada, c'est l'enfant éduqué par le monothéisme. Hada, c'est pas un enfant éduqué avec Tintin et Miloud et j'en passe. Hada, c'est pas un enfant qui égurgite les dessins animés du matin au soir. Hada, c'est un enfant qui a été éduqué et qui a compris ce que ça veut dire, ni digne d'être adoré qu'Allah. Et non pas, comme nos poussins maintenant, on les a tués, du matin au soir. Allume-lui la télé. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Perds-le. Forme quelqu'un qui va être entêté, qui va te jeter des pierres après. C'est tout. Qu'est-ce que tu crois? C'est toi qui l'envoies. Tu lui rends un cœur. Tu fais qu'il aime la musique, qu'il aime la perversité, qu'il aime la bagarre. Ils sont petits, ils sont excités. Ils sont nerveux. À 5 ans, à 4 ans, il a les nerfs pas possible. Pourquoi? Quand tu regardes les dessins animés qu'il y a, c'est de l'électricité qu'il met en lui. Il vous dit, il dit, il dit, on se plaint. Nos enfants pleurent la nuit. Nos enfants le disent. Et après, regarde. Du matin au soir, tu lui mets une prise électrique. Il est comme ça. Il est sur les nerfs. Il voit la bagarre. Ça passe partout. Hada, il saute dans le ciel. Hada, et le gamin, il est là. Il n'arrête pas de sauter. Comment tu veux qu'il soit après? Il est électrique. C'est de l'électricité. Là, tu as mis une prise et tu l'as branché. Qu'est-ce que tu veux de lui? Et après, on se plaint. Je l'ai touché. C'est toi que je l'ai touché le jour où tu as ramené ce Mufti Dieu à la maison et depuis que tu as pris l'habitude de le mettre devant cette télé. C'est toi que je l'ai touché avant qu'il le touche lui. Et tu as dit, je ne sais pas ce que c'est. Et tu as dit, c'est le petit esprit. Et tu as dit, nous cherchons la perte de nos enfants nous-mêmes. Nous, tu as dit, nous cherchons la perte de nos enfants. فاسمع الآن سمى الله سبحانه وتعالى استجابتهما إسلاما فلما أسلم وتله للجبين أي لما استجاب لأمر ربهما هذا هو الإسلام الاستسلام لله إجابة إذا دعاك الله أن تجيب وإذا دعاك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تجيب فلما أسلم وتله للجبين استجابة لله سبحانه وتعالى ناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. الله عز وجل جعل لإبراهيم فرجا ومخرجا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Quand ils se sont soumis à Allah et qu'il a pris l'enfant, il est allé pour l'immoler, et dis-toi bien, quand il s'est soumis, regarde, le fait d'avoir répondu à l'appel d'Allah et d'avoir mis en ordre l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a vu dans le rêve, Allah subhanahu wa ta'ala a appelé cet acte soumission. Le fait d'avoir répondu à l'appel d'Allah, Allah il a appelé le fait d'avoir répondu à l'appel d'Allah, il l'a appelé soumission. Donc la soumission c'est quoi? L'islam c'est quoi? Il se soumet à Allah subhanahu wa ta'ala dans le monothéisme. Et dans le suivi du prophète. Allah subhanahu wa ta'ala t'appelle un acte. Tu réponds. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam t'appelle un acte. Tu le suis. Hada la soumission. Ainsi il était Ibrahim alayhi wa sallam. Et regarde comment on l'a décrit. Quand il s'est soumis. Et il est allé pour égorger son fils. La délivrance est venue min Allah subhanahu wa ta'ala. Il a été appelé au Ibrahim. Tu as pris comme véridique ta vision. La vision du prophète alayhi wa sallam, il est véridique. Allah, après, lui a fait une issue. Et celui qui préserve les droits d'Allah, Allah lui fait des issues de là où il ne s'attend pas, il lui donne sa subsistance de là où il ne s'attend pas. فَالطَّاعَةُ مَعَهَ الْيُسْرِ وَالْمَعْصِيَةُ مَعَهَ الْعُسْرِ وَالْمَشَقَّةُ وَالطَّاعَةُ مَعَهَ الْيُسْرِ وَالسَّعَادَةُ فِي الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَمَعَ الطَّاعَةِ اللَّذَّةُ والحلاوة وحفت الجنة بالمكاره ولكنها مكاره تترتب عليها سعادة ويترتب عليها انشراح الصدر ويترتب عليها تيسير الأمر فجاء الفرج من الله، فبداه الله سبحانه وتعالى بذبح عظيم، وجعل ذلك الفداء سنة عظيمة في أمة محمد عليه الصلاة والسلام. كم من المسلمين غدا إن شاء الله سيضحون وسيحيون سنة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد. ذكرهم إلى يوم القيامة، تذكرهم في السنة في موسم الحج، وتذكرهم كل يوم في صلاتك. فهذه أسرة الموحدين، هذه أسرة الصالحين، هذه أسرة القدوات. إبراهيم يجب أن يكون قدوة لكل رجل ولكل أب. إسماعيل وإسحاق يجب أن يكون قدوة لكل ابن صالح، وسارة وهاجر يجب أن تكون قدوة لكل زوجة ولكل امرأة ولكل أم. هذه الأسرة المباركة من الله سبحانه وتعالى. من الله عز وجل avec l'obéissance arrive la facilité, l'aisance, la tranquillité. Avec la désobéissance, c'est la difficulté et l'oppression. Avec l'obéissance arrive le bonheur et la réjouissance. Avec l'obéissance, le goût exquis. Et le paradis est entouré de choses qu'on n'aime pas. Il faut faire des efforts. Il faut délaisser certains biens, certains plaisirs éphémères de ce bas monde pour arriver au paradis. Mais ces choses difficiles qui entourent le paradis découlent de ces efforts que tu dois faire ton bonheur dans ce bas monde et dans l'au-delà. Découlent de ces efforts que tu dois faire la largesse de la poitrine. Découlent de ces efforts que tu vas faire, l'aisance dans la situation. La délivrance est venue min Allah subhanahu wa ta'ala Ibrahim. Allah subhanahu wa ta'ala a remplacé son fils par un énorme mouton du paradis. Allah subhanahu wa ta'ala a fait que cette sunnah, chaque année les musulmans, là où ils sont, comme demain, la communauté de Muhammad alayhi salatu salam va célébrer cet acte d'Ibrahim alayhi salam qui est l'acte du sacrifice. Combien de millions de personnes vont célébrer cet acte d'Ibrahim alayhi salam qui est devenu une sunnah dans la communauté de Muhammad alayhi salam. Chaque année, les pèlerins vont se rappeler d'Ibrahim alayhi salam et de la famille d'Ibrahim. Hajar, Ismaïl. Et chaque jour dans tes prières, tu évoques Ibrahim alayhi salam quand tu arrives à Tachaoui. Allahumma salli ala Ibrahim. Voilà, Ibrahim. Pourquoi tout ça? Les imams du monothéisme, l'accomplissement du monothéisme, le modèle du monothéisme, c'est pour ça qu'il appartient à tout père de prendre comme modèle Ibrahim alayhi salam. Il appartient et de prendre comme homme l'exemple au niveau homme, de prendre Ibrahim et de le prendre comme modèle au niveau de la parenté. Et de prendre comme exemple, nos femmes doivent prendre comme exemple Sarah et Hajar. Et nos enfants doivent prendre comme exemple Ishaq et Ismaïl alayhi salatu wassalam. Fa ghadan sanatadhakkaru kullana fi masharik al-ard wa maghalibiha. Ismaïl, wa hadha al-fida' al-azim alladhi fada Allah subhanahu wa ta'ala bihi Ismaïl. سنتذكر ذلكم الوالد العظيم وذلكم الولد الصالح رضوان الله عليهم اجمعين وصلوات ربي وسلامه عليه. فما احوج اولادنا الى ان يجعلوا هذا الولد الصالح قدوه لهم. بما توس نزلوا نغفل ابراهيم اسماعيل عليهم الصلاه والسلام نزلوا نغفل avec les moutons que nous avons égorgé ce mouton qui est arrivé du paradis pour remplacer اسماعيل عليه الصلاه. Les enfants doivent prendre comme exemple, comme modèle Ismaïl alayhi salam, dans l'obéissance, dans la soumission à Allah et la soumission aux parents. انظروا كيف بر أباه وانظروا كيف أطاع ربه عز وجل وانظروا إلى أخلاقه الحميدة. Nous devons regarder comment Ismaïl a oublié à son père, comment il a oublié à son souverain, comment il a oublié à Allah. Et nous devons méditer le comportement d'Ibrahim alayhi salatu wassalam. كيف كانت طاعة هذا الابن لأبيه؟ Comment ça a été l'obéissance de cet enfant à son père؟ انظر إلى طاعته فاسمع إلى أمثلة في الطاعة حتى تعلم أن طاعة الوالدين تأتي بالخير. عندما ترك إبراهيم هاجر وإسماعيل في مكة كان يتردد عليهم حينا بعد حين وكان يأتي يزور ولده وتزوج إسماعيل من العرب وصارت له أسرة وجاء إبراهيم مرة لزيارة ابنه فلم يجده فسأل زوجته كيف حالكم فبدأت تشتكي من ضيق الحال وضيق المعيشة واشتكت من البلاء الذي تعيشه فقال لها إبراهيم الأب الناصح إذا جاء إسماعيل سلمي عليه وقولي له أني أقول له غير عتبة بيتك غير عتبة بيتك أي طلق هذه المرأة راجل ما عرفتوش ويسولك يدير حالكم يا علم عيشة عيشة يمك ترها عليا يا ما عرفته ولا عرفها بالنسى الجنة دابا ملي تسمعو تتلقى مع شي حد كي دايرين لاباس وتطلق عليه وين القضية صغيرة شايفين معاه هير الويل واش من خير بعد انا ما بعرفوش وتهضري على راجلك بحال هكا اش من خير كيفاش انظر نصيحة الوالد قال لي طلع العتبة ديال الدار حيدها ديك العتبة ديال الدار ما خدامش Regardez maintenant cette obéissance qu'avait ce noble garçon. Ce garçon qui a été éduqué sur le monothéisme. Quand Hajar est resté à la Mecque avec son fils, de temps en temps, Ibrahim revenait le visiter. Hajar s'est marié de la tribu de Jorhom, une tribu arabe. Il a eu une famille, il a fondé une famille. Un jour, son père est venu le visiter. Il ne l'a pas trouvé. Il est allé à la chasse, qu'on faisait tout. À ses contemporains et les Arabes de cette région, il allait à la chasse. Il n'a pas trouvé, il a trouvé la femme. La femme de Ismaël à la maison. Il dit, comment allez-vous? Comment est la situation? Il a commencé à se plaindre. La vie est dure, ceci, cela, etc. Il lui a dit, quand Ismaël revient, tu lui passeras le salam et tu lui dis qu'il doit changer la porte de sa maison. C'est-à-dire qu'il doit la divorcer. C'est quoi cette femme qui commence à se plaindre à un étranger qu'elle ne connaît pas hein? Là, tu dois apprendre que une femme ne doit pas se plaindre à n'importe qui de ce qui arrive. Même au frère de son mari, ou là, qui que ce soit, ne doit pas se plaindre. Hein? N'importe qui, il commence à ouvrir. Des fois, même dans les marchés, tu les entends comment ils parlent de leur mari et de la situation qu'il y a à la maison. Hein? Qu'est-ce que tu veux en tirer? Et le père, conseillant son fils, voulant l'intérêt et le bien de son fils, qu'est-ce qu'il lui a dit? Change la porte de ta maison. وَجَاءَ إِسْمَاعِيلُ وَبِمُجَرَّدِ أَنْ سَمِعَ الْكَلَامَ الَّذِي قَالَهُ إِبْرَاهِيمُ لِزَوْجَتِهِ قَالَ لَهَا أَنْتِ الْعَتَبَةِ فَطَلَّقَهَا أنت العتبة روحي إلى والدك فإسماعيل لم يرى والده ولم يسمع منه مباشرة لكن امتثل لأمر والده وطلق المرأة لأنه يعلم يقينا أن والده يريد له الخير ويريد صلاحه ويريد سعادته في الدنيا وفي الآخرة إسماعيل du moment qu'il a entendu ce qu'a dit son père il a dit à sa femme prends, retourne chez tes parents. Il l'a dévoré. Ismaïl n'a pas vu son père. Il a juste entendu ce que lui a dit la femme, sa femme. il lui a dit, un homme est venu, voici sa description, et il m'a dit à la fin de te saluer et de changer la porte de ma maison. Il lui a dit, c'est toi la porte de ma maison, il m'a ordonné de te divorcer, maintenant retourne chez tes parents. Direct, obéissance. Parce qu'il sait que son père ne veut que son bien. Il sait que son père veut son bonheur dans ce bas monde et dans le-delà. فهذه طاعة الموحدين هذه طاعة الأولاد الصالحين ثم رجع والده مرة أخرى ليتفقده فلم يجده ووجد جوزة جديدة فسألها عن حالها قالت نحن بخير والحمد لله فقال لها إذا أتى سلمي عليه وقولي له ثبت عتبة بابك ثبت عتبة بابك هذه فيها صلاح هذه لا تذكر إلا الخير هذه تحمد الله أمره بأن يثبت عتبة بابه كي ترى أن الوالدين لا تقول أنهم يريدون شرك إلا إذا كانوا ضعفاء الإيمان فهذا أمر آخر وإذا كانوا موحدين ويخافون الله سبحانه وتعالى فلا يبحثون إلا عن سعادة أبنائهم وراحة أبنائهم. Et regarde maintenant cet enfant vertueux, comment il s'est soumis. Regarde cette obéissance du monothéiste, comment il est. Et une autre fois, le père est revenu pour chercher les nouvelles de son fils. Voir comment son fils va. Il ne l'a pas trouvé, mais il a trouvé une nouvelle femme à la maison. Il a posé les questions à cette femme. Comment est votre vie, etc. La femme a dit « Louange à Allah ». Nous sommes dans un grand bien, minallah. Il lui a dit, quand Ismaël revient, tu lui passeras salam. Et tu lui dis qu'il renforce la porte de sa maison. Pour que tu saches que le père monothéiste, le père soumis à Allah, subhanahu wa ta'ala, le père suivant la sunna de son prophète, ne veut que le bien de son fils. Tous les parents veulent le bien de leurs enfants. Sauf s'ils ont la foi, hein, loin de la sunna, mais en général, les parents ne veulent que le bien de leurs enfants. فَلَا بُدَّ لِلْأَبْنَاءِ أَنْ يَفْهَمُوا هَذَا أَنَّ الْآبَاءِ حَرِيصِينَ عَلَيْهِمْ وَأَنَّهُمْ يُحِبُّونَهُمْ كَمْ مِنْ وَلَدٍ عَصَى أَمْرَ وَالِدَيْهِ ثُمَّ بَعْدَ 60 سنين قَالَ يَا لَيْتَنِي أَطَعْتُ وَالِدِي يا ليتني أطعت والدي ولكن مر الزمان وغيث وجر 17 لولد ولا 18 من وراه عاد قال يا ليتني أطعت أمر والدي. Les enfants doivent comprendre que les parents veulent le bonheur de leurs enfants et qu'ils les aiment. Et combien d'enfants ont désobéi à leurs parents, quelques années après, ils l'ont regretté. Si j'avais écouté mon père, je ne serais pas dans cette situation-là. Trop tard maintenant, il fallait l'écouter quand il te l'a dit. Mais maintenant, ça y est. Yendamu, ba'da fawati qawad, amma Ismaïl fa'ata'a fawran, yannahu ya'rifu anna abahu musaddadun. وأن أباه فيه خير وأن أباه يحبه ويرغب في سعادته في الدنيا والآخرة. إسماعيل beaucoup de jeunes regrettent maintenant la situation dans laquelle ils sont, mais c'est un peu trop tard. Beaucoup de mal a été fait. Ils sont dans une impasse maintenant. Ismaïl alayhi salam, il a oublié tout de suite à l'ordre de son père. Parce qu'il sait que son père, c'est un homme de bien. C'est un homme qui aime son fils, qui veut le bonheur de son fils dans ce bas monde et dans le delà. وَمَا أَحْوَجَنَا أَنْ نُصْلِحَا أَنْفُسَنَا وَمَا أَحْوَجَنَا أَنْ نَأْخُدَ الْقُدْوَةَ كَآبَاء مِنْ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السلام وَمَا أَحْوَجَ نِسَاءَنَا أَنْ يُصْلِحْنَ أَنْفُسَهُنَّ وأن يأخذنا القدوة من هاجر وسارة وما أحوج أبناءنا أن يصلحوا أنفسهم ويأخذوا القدوة من إسماعيل وإسحاق، فهذه أسرة مباركة، فما أحوج أسرنا أن تأخذ أسرة إبراهيم عليه الصلاة والسلام كمثال وقدوة. Combien nous avons besoin, frère en Allah, d'aujel de remédier nos lacunes, d'y aller du faux et de nous corriger. Combien nous avons besoin de prendre comme modèle Ibrahim alayhi salam. Combien nos enfants ont besoin de prendre comme modèle Ismaïl alayhi salam. Nos femmes doivent prendre comme modèle Sarah et Hajar. Hein? Ça, c'est une noble famille. Combien nous avons besoin d'avoir des nobles familles comme cette noble famille dont l'évocation restera jusqu'à la fin des temps. Fadi Yusratul Mubaraka, Wadi Yusratul Tudkaru ila yawm al-qiyama. Fas Allah al-Azim, Rabb al-Arsh al-Azim, an yuwaffiqani wa iyaakum lima yuhibbu wa yarda, wa ij'alni wa iyaakum alladhina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana, wa subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa salli Allahumma wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum wa ahsana Allahu lakum.